« Monsieur de Tréville attend Monsieur d'Artagnan, » interrompit le laquais en ouvrant la porte du cabinet. À cette annonce, pendant laquelle la porte demeurait ouverte, chacun se tut, et au milieu du silence général, le jeune Gascon traversa l'antichambre dans une partie de sa longueur et entra chez le capitaine des mousquetaires, se félicitant de tout son cœur d'échapper aussi à point à la fin de cette bizarre querelle. Chapitre 3. L'audience. Monsieur de Tréville était pour le moment de fort méchante humeur. Néanmoins, il salua poliment le jeune homme, qui s'inclina jusqu'à terre, et il sourit en recevant son compliment dont l'accent béarnais lui rappela à la fois sa jeunesse et son pays. Double souvenir qui fait sourire l'homme à tous les âges. Il appela trois fois en grossissant la voix à chaque fois, de sorte qu'il parcourut tous les tons intervallaires entre l'accent impératif et l'accent irrité. « Athos, Porthos, Aramis !» Les deux mousquetaires avec lesquels nous avons déjà fait connaissance s'avancèrent vers le cabinet, dont la porte se referma derrière eux dès qu'ils en eurent franchi le seuil. Leur contenance, bien qu'elle ne fût pas tout à fait tranquille, excita cependant, par son laisser-aller à la fois plein de dignité et de soumission, l'admiration de D'Artagnan, qui voyait dans ces hommes des demi-dieux, et dans leur chef un Jupiter olympien, armé de tous ses foudres. Monsieur de Tréville s'arrêta tout à coup en face d'eux et les couvrant des pieds à la tête d'un regard irrité. « Savez-vous ce que m'a dit le roi ? » s'écria-t-il. « Et cela pas plus tard qu'hier au soir. Le savez-vous, messieurs ?»« Non, » répondirent après un instant de silence les deux mousquetaires. « Non, monsieur, nous l'ignorons. » « Il m'a dit qu'il recruterait désormais ses mousquetaires parmi les gardes de monsieur le cardinal. » Les deux mousquetaires rougirent jusqu'au blanc des yeux. D'Artagnan ne savait pas où il en était et eût voulu être à 100 pieds sous terre. « Oui, oui, » continua M. de Tréville en s'animant, « Monsieur le cardinal racontait hier au jeu du roi, avec un air de condoléance qui me déplut fort, qu'avant-hier, ces damnés mousquetaires, ces pourfendeurs, ajouta-t-il en me regardant de son œil de chat-tigre, s'étaient attardés rue Férou dans un cabaret, et qu'une ronde de ses gardes, j'ai cru qu'il allait me rire au nez, avait été forcée d'arrêter les perturbateurs. Morbleu ! Arrêter des mousquetaires !» Vous en étiez, vous autres. Ne vous en défendez pas. On vous a reconnu et le cardinal vous a nommé. Et Athos ? Je ne vois pas Athos. Où est-il ? Monsieur, répondit tristement Aramis, il est malade, fort malade. On craint que ce ne soit de la petite vérole, monsieur, dit Porthos. De la petite vérole ! Voilà encore une glorieuse histoire que vous me contez là, Porthos. Non pas, mais blessé sans doute, tué peut-être. Ah, si je le savais, sans Dieu. Messieurs les mousquetaires, je n'entends pas que l'on hante ainsi les mauvais lieux. Je ne veux pas enfin qu'on prête à rire aux gardes de monsieur le cardinal. Porthos et Aramis frémissaient de rage. Ils auraient volontiers étranglé monsieur de Tréville si au fond de tout cela, ils n'avaient pas senti que c'était le grand amour qu'il leur portait, qu'il le faisait leur parler ainsi. Ah, les mousquetaires du roi se font arrêter par les gardes de monsieur le cardinal ? Continua M. de Tréville aussi furieux à l'intérieur que ses soldats. « Je vais de ce pas au Louvre. Je donne ma démission de capitaine des mousquetaires du roi. »« Eh bien, mon capitaine, dit Porthos hors de lui, la vérité est que nous étions 6 contre 6. Mais nous avons été pris en traître. Et avant que nous eussions eu le temps de tirer nos épées, 2 d'entre nous étaient tombés morts. Et Athos, blessé grièvement, ne valait guère mieux. Car vous le connaissez, Athos. » Eh bien, capitaine, il a essayé de se relever 2 fois et il est retombé 2 fois. Cependant, nous ne nous sommes pas rendus. Non. Et j'ai l'honneur de vous assurer que j'en ai tué un avec sa propre épée, dit Aramis. Je ne savais pas cela, reprit M. de Tréville d'un ton un peu plus radouci. Monsieur le cardinal avait exagéré, à ce que je vois. Au même instant, la portière se souleva et une tête noble et belle, mais affreusement pâle, parut sous la frange. Athos ! S'écrièrent les deux mousquetaires. Athos, répéta M. de Tréville lui-même. Vous m'avez mandé, monsieur, dit Athos à M. de Tréville d'une voix affaiblie, mais parfaitement calme. M. de Tréville, ému jusqu'au fond du cœur de cette preuve de courage, se précipita vers lui. J'étais en train de dire à ces messieurs, ajouta-t-il, que je défends à mes mousquetaires d'exposer leurs jours sans nécessité. Car les braves gens sont bien chers au roi, et le roi sait que ses mousquetaires sont les plus braves gens de la terre. Votre main, Athos. Au même instant, Athos, qui avait rassemblé toutes ses forces pour lutter contre la douleur, vaincu enfin par elle, tomba sur le parquet comme s'il fût mort. « Un chirurgien !» cria M. de Tréville. « Le mien, celui du roi, le meilleur, un chirurgien ou sans Dieu, mon brave Athos va trépasser !» Au cri de M. de Tréville, tout le monde se précipita dans son cabinet sans qu'il songeât à enfermer la porte à personne. Le docteur demandé fendit la foule, s'approcha d'Athos toujours évanoui, et comme tout ce bruit et tout ce mouvement le gênait fort, Porthos et Aramis emportèrent leurs camarades dans leurs bras. Enfin, M. de Tréville rentra à son tour. Le blessé avait repris connaissance. Le chirurgien déclarait que l'état du mousquetaire n'avait rien qui pût inquiéter ses amis, sa faiblesse ayant été purement et simplement occasionnée par la perte de son sang. Puis M. de Tréville fit un signe de la main et chacun se retira, excepté d'Artagnan, qui n'oubliait point qu'il avait audience et qui, avec sa ténacité de Gascon, était demeuré à la même place. Lorsque tout le monde fut sorti et que la porte fut refermée, M. de Tréville se retourna et se trouva seul avec le jeune homme. L'événement qui venait d'arriver lui avait quelque peu fait perdre le fil de ses idées. Il s'informa de ce que lui voulait l'obstiné solliciteur. D'Artagnan alors se nomma, et M. de Tréville, se rappelant d'un seul coup tous ses souvenirs du présent et du passé, se trouva au courant de sa situation. « Pardon, lui dit-il en souriant. Pardon, mon cher compatriote, mais je vous avais parfaitement oublié. J'ai beaucoup aimé monsieur votre père, dit-il. « Que puis-je faire pour son fils ? Hâtez-vous, mon temps n'est pas à moi. »« Monsieur, dit d'Artagnan, en quittant Tarbes et en venant ici, je me proposais de vous demander, en souvenir de cette amitié dont vous n'avez pas perdu mémoire, une casaque de mousquetaire. Mais après tout ce que je vois depuis 2 heures, je comprends qu'une telle faveur serait énorme, et je tremble de ne point la mériter. »« C'est une faveur, en effet, jeune homme, répondit monsieur de Tréville. » Mais elle peut ne pas être si fort au-dessus de vous que vous le croyez, ou que vous ayez l'air de le croire. Toutefois, une décision de Sa Majesté a prévu ce cas, et je vous annonce avec regret qu'on ne reçoit personne mousquetaire avant l'épreuve préalable de quelques campagnes, de certaines actions d'éclat. Mais en faveur de votre père, mon ancien compagnon, comme je vous l'ai dit, je veux faire quelque chose pour vous, jeune homme. J'écrirai dès aujourd'hui une lettre au directeur de l'Académie royale et dès demain il vous recevra sans rétribution aucune. Vous apprendrez le manège du cheval, l'escrime et la danse. Vous y ferez de bonnes connaissances et de temps en temps, vous reviendrez me voir pour me dire où vous en êtes et si je puis faire quelque chose pour vous. » D'Artagnan, tout étranger qu'il fût encore aux façons de cour, s'aperçut de la froideur de cet accueil. « Hélas, monsieur, dit-il, je vois combien la lettre de recommandation que mon père m'avait remise pour vous me fait défaut aujourd'hui. » « En effet, répondit M. de Tréville. Je l'avais, monsieur, et Dieu merci, en bonne forme, s'écria d'Artagnan, mais on me l'a perfidement dérobée. » Et il raconta toute la scène de main, dépeignit le gentilhomme inconnu dans ses moindres détails, le tout avec une chaleur, une vérité, qui charmèrent M. de Tréville. « Dites-moi, continua-t-il, « ce jeune homme n'avait-il pas une légère cicatrice à la tempe ?»« Oui, comme le feraient les raflures d'une balle. »« Pâle de teint et brun de poils ?»« Oui, oui, c'est cela. »« Comment se fait-il, monsieur, que vous connaissiez cet homme ?»« Ah, si jamais je le retrouve, et je le retrouvais, je vous jure, fût-ce en enfer, il attendait une femme ?» continua Tréville. « Il est du moins parti après avoir causé un instant avec celle qui l'attendait. »« Cette femme était anglaise ?» Elle s'appelait Milady. C'est lui, murmura Tréville, c'est lui. Je le croyais encore à Bruxelles. Oh, monsieur, si vous savez quel est cet homme, s'écria d'Artagnan, indiquez-moi qui il est, car avant toute chose, je veux me venger. Tout à coup, Tréville s'arrêta, frappé d'un soupçon subit. Ce prétendu d'Artagnan n'était-il pas un émissaire du cardinal qu'on cherchait à introduire dans sa maison et qu'on avait placé près de lui pour surprendre sa confiance et pour le perdre plus tard, comme cela s'était 1000 fois pratiqué ? Il regarda d'Artagnan plus fixement encore cette seconde fois que la première. Tréville se disait à part lui, « Si le cardinal m'a dépêché ce jeune renard, il n'aura certes pas manqué, lui qui sait à quel point je l'exècre, de dire à son espion que le meilleur moyen de me faire la cour est de me dire pique-pendre de lui. Aussi, malgré mes protestations, le rusé compère va-t-il me répondre bien certainement qu'il a l'éminence en horreur. » Il en fut tout autrement que s'y attendait Tréville. D'Artagnan répondit avec la plus grande simplicité, «